il me touche. À chaque fois, il fait mouche. Alice, il y a tant de promesses dans tes yeux. La tête me tourne, s'envole vers les cieux. À chaque fois, il me touche. À chaque fois, ils font mouche. Alice, tu me fais perdre la tête. Alice, les violons jouent. Quand je t'embrasse, des milliers autour de nous jouent tout autour de nous. On est toujours serré. Il y a des parfums d'éternité qui se diffusent sans arrêt. Alice, des fois il y a les absences qui font que ma vie n'a plus de sens. Après l'instant, encore plus belle qu'avant. Alice, tu me fais perdre la tête. Alice, les violons jouent. Quand je t'embrasse, des milliers autour de nous jouent tout autour de nous. Il y a un sourire sur ma bouche. Quand tu m'embrasses, il n'est pas farouche. À chaque fois, tu me touches.